Entre poèmes et vulgarité, je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage, qu'ils l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qu'ils l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qu'ils l'enverront à 3 personnes et ainsi de suite. Je suis en pleine fuite au moment où je te parle. Faut pas que je sois en pleine fuite, que le bon Dieu m'épargne. Je me répare malgré la rue et ses méfaits, dans une époque où ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Tout ce qui m'effraie, c'est le refrain que nos légendes gênent. L'ultime séjour, les mauvais jours pour les gens que j'aime. Mon oxygène, c'est quand je veille près de vous, et mon public est somnambule, je rappe des histoires à dormir debout. Alors je me bouge entre dédales et cris de colère, entre étoiles et vides poèmes, entre meilleurs freestyles et pires poèmes. J'ai 1000 problèmes, tant de soucis, mais tellement d'inspi. Si j'avais eu un psy, il aurait eu besoin d'un psy. Tout ça m'inspire pour vivre et lutter. Mes rimes sont réputées, mais ce ne sont pas mes rimes qui vont vous éduquer. Ce rap game est truqué comme une pub. Ils prétendent tous faire du lourd, alors je reviens léger comme une plume. Le passé lourd comme une enclume, mes démons me l'apprennent. Demain c'est loin, notre futur c'est la seconde après. J'étais pas prêt, sorti des bas-fonds. L'histoire est à ceux qui la lisent, ceux qui l'écrivent et à ceux qui la font. Toucher le plafond, rêveur et indépendant. Être patient c'est pas attendre, pour moi c'est agir en attendant. Alors pendant que ce pays me prend pour un intrus, je prends mon temps, en dilettante, laisse tourner l'instru. Je suis paro comme un stup, sur le déclin. Selon l'humeur, j'écris des vers à moitié vides ou à moitié pleins. Plein d'ironie, mes contradictions deviennent des impasses. Moi je suis un genre d'alcoolique avec une licence 4. Je suis une puissance calme, ne porte pas de gun. Silencieux sont les batailles, alors fermez vos gueules. Vous n'êtes pas seul, n'ayez pas peur, on tolère tous les gens. Je fais pas du rap pour les rappeurs, je fais du rap pour les gens. C'est pour les bêtes et méchants, les têtes et les jambes, les thèmes et les textes de légende qu'on a écrits pour s'engager. Même si je sais qu'on peut avoir le bon message tout en restant un mauvais messager. Je viens cracher mes états d'âme et mes 4 consciences. Y'a que les connards qui vont croire que c'est du rap conscient. Pourtant je n'ai pas confiance, même en mes propres dires. Entre rire de déprime et larmes de crocodile, pas de gros deal que des risques forts. Maintenant que j'ai plus de maison de disques, j'ai une maison de disques d'or. Triste sort face au charbon, il fallait du cran. Mais je cherche pas à être bon, je cherche à être grand. J'ai pas de clan, je préfère éviter. Parano, je crois toujours aux mensonges et doute souvent de la vérité. Quelle idée, vu qu'ici je tourne dans le même schéma. Parfois je doute, parfois je pense à retourner chez moi. Laissez-moi libérer mon gospel. La France ne reconnaît pas les communautés, mais nous traite comme telles. Quand les gens sont boycottés, forcément ils se lassent. Quand on met les gens de côté, forcément ils s'éloignent. C'est pas les lois qui font les hommes, c'est l'inverse. On témoigne sans respect, un signe de paix, sans l'index, sans deck. Les beaux parleurs peuvent mentir, c'est les actions qui comptent. J'écoute pas ce que les gens disent, je regarde ce qu'ils font. Je mens pas de ce qu'ils sont, je ne vois qu'un cœur. Quand on voyage, le monde devient plus petit, alors il fait moins peur. Viens, on prend de l'ampleur, quoi, viens, on fait une pause. Et s'il y a quelqu'un près de toi, check-le de l'épaule. Et je me pose, authentique dès le départ. C'est plus facile d'assumer ce qu'on est que d'imiter ce qu'on n'est pas. Que Dieu m'épargne de l'aigreur de perdre ma voix, et qu'il m'épargne de l'erreur de perdre ma foi. Vous êtes ma flamme, je suis fou et malhonnête, mais tous les jours je me soigne et j'apprends à vous connaître. Comme dit le poète, je le cite et je le chante. Faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Ça tourne comme un sample de Paris à Dakar. L'amour nous manque, prends ce texte comme une sadaka. On reste calme avant le carnage qui m'aime me suivre. Je cherche la paix pour mon karma, moi-même je suis bipolaire entre poème et vulgarité. Je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage, qu'ils l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qu'ils l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qu'ils l'enverront à 3 personnes et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Youssoupha. Et ainsi de suite. C'est pas de la crack musique, c'est de la love musique. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. M à 3, 3e underground. Écriture, écriture.